Una cosa la lelota y antumbi que nae pa ya chefu ya company yebisa chanta le zali maladi ya mpanzi mbote keseni mbote ba pesa kinga na vanda kinanda ko. Ça, je n'ai jamais vu. Pierre Lobinanga, Tata Nayo Abeta Kiyo, Papa Kisa Kimpo Yonima, Papa, attention. Navanze na kola la terre. Chantal a sali maladie, y'a un passé. Bote que sali, bote va passer qui n'a. Navanda qui n'a d'accord, ça je n'ai jamais vu.